Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barrel 1882. Notre planète devient habitable. Comment la Terre se refroidit, sa forme due à sa rotation sur elle-même, expérience de Monsieur Plateau, solidification de sa surface, épaisseur de la couche refroidie, bouillonnements intérieurs, déchirures, épanchement de lave, soulèvement. Élie de Beaumont, parole de la Bible justifiée, nos réserves. Nous avons vu que la Terre représentait à l'origine une sphère embrasée, circulant autour du Soleil par suite de l'impulsion initiale qu'elle avait reçue. Elle céda ainsi graduellement de son calorique aux régions glacées qu'elle traversait. Il résulte des calculs les plus rigoureux que ces régions ont une température de moins 100 degrés au-dessous de zéro. Pourriez la porter à 142 degrés. On comprend dès lors quelle somme de caloriques une température aussi basse dû soustraire à notre planète, et comment ce refroidissement continuel la fit passer de l'état gazeux à l'état liquide. La voilà donc amenée à cette dernière condition. Mais on sait que la Terre, en plus de son mouvement de translation autour du Soleil, en exécute un de rotation sur son axe. Or, toute masse liquide à laquelle on imprime un mouvement giratoire se renfle vers son centre et s'aplatit vers ses extrémités. C'est ce que prouve l'expérience tant de fois citée de Monsieur Plateau, célèbre physicien de Gand, laquelle consiste à faire flotter une grosse boule d'huile d'eau et d'alcool et à la suspendre dans un vase qui tourne. On voit cette boule prendre la forme que nous venons d'indiquer. Ainsi s'explique comment la Terre offre précisément un renflement vers l'équateur, et un aplatissement vers les pôles. Cependant, par le fait des progrès du refroidissement, notre planète commence à peu à se solidifier. Ce furent d'abord de simples noyaux de substances concrètes, semés de distance en distance, mais qui finirent par se souder entre eux, comme on voit de nos jours les glaces des mers polaires s'attacher l'une à l'autre pour former des banquises. C'est ainsi que s'opéra la solidification totale de la surface du globe. On évalue l'épaisseur actuelle de la couche refroidie à environ 50 km, c'est-à-dire à 1/250 du diamètre de la Terre dont le centre continue d'être en fusion. Note. Cet état de fusion est suffisamment démontré par l'existence des volcans, leurs cratères n'étant autres que les soupiraux de la fournaise, et leurs laves que des échantillons du feu central. Fin de la note. Pour se faire une idée du peu d'épaisseur de cette couche, qu'on se représente une orange dont l'écorce serait mince comme une feuille de papier et à peine granuleuse. Cette écorce figurerait la partie refroidie du globe, et ses aspérités nos plus hautes montagnes. Mais avant d'atteindre cette solidification définitive, l'enveloppe terrestre se brisa plusieurs fois, soit par le retrait de ses parois, soit par l'explosion de ses feux intérieurs. Il en résulta de larges crevasses par où s'échappèrent des flots de granit en fusion qui vinrent se coaguler au dehors. Ainsi s'expliquent les déchirures et les ondulations que nous rencontrons au sein de notre planète. Mais, en même temps que le sol se creusait de profondes excavations, des soulèvements opérés par le feu central faisaient sur divers points surgir des montagnes. Tout le monde connaît les belles découvertes de Monsieur Élie de Beaumont sur ces grands mouvements du globe et sur la disposition des couches sédimenteuses postérieures, redressées, inclinées ou tourmentées de mille manières. Ces phénomènes viennent singulièrement à l'appui de la théorie que nous exposons. Combien de temps dura cette lutte suprême des éléments qui semblaient se disputer l'empire de notre planète? Nul ne le sait. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il arriva à un moment où la température devint assez basse pour que la vapeur se condensât en eau, alors la Terre ne représenta plus qu'un immense océan. Ainsi se sont trouvées justifiées ces paroles de la Bible, Dieu sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus, et les rassembla en un seul lieu. À partir de cette époque, survinrent encore d'autres changements d'un intérêt non moindre, mais dont la description n'ajouterait rien à ce qui touche au fond même de notre sujet. Qu'il nous suffise donc de savoir que, par suite du retrait successif des eaux, les îles et les continents se formèrent et la Terre finit par devenir habitable. Telle est l'hypothèse en faveur aujourd'hui sur l'organisation du globe, mais qui demain peut-être se trouvera modifiée par quelques nouveaux progrès des connaissances humaines. Ne l'acceptons donc que sous toute réserve, car il s'en faut de beaucoup que la science ait encore dit à cet égard son dernier mot. Dieu crée les végétaux. Moïse ne parle que des grands phénomènes, végétaux créés avant les animaux, la science et la Bible. Trois sortes de végétaux, le règne végétal créé à l'état de germe, isolement des espèces, chacune s'est reproduite intégralement. Maintenant que la terre est devenue habitable, disons quel ordre Moïse assigne à la création des êtres vivants, et dans quel état il décrit leur première apparition sur le globe. Mais, avant d'aller plus loin, il est une remarque que je dois faire, car elle s'applique d'une manière générale aux diverses particularités de ces récits. Moïse ne parle que des grands phénomènes et néglige ce qu'on pourrait appeler les menus détails. Ainsi, par exemple, à propos de l'apparition de la vie sur le globe, il ne dira rien des mollusques et des crustacés qui grouillaient dans les premières eaux, rien non plus des insectes ni des moucherons qui voltigeaient dans l'espace. C'est que, nous le savons déjà, la Bible n'est pas un traité didactique, mais un simple sommaire. Seulement, comme chaque mot porte et combien il est fécond en enseignement. Les végétaux sont, d'après Moïse, les premiers êtres vivants qui aient paru sur le globe. Voici, à cet égard, comment il s'exprime. Dieu dit ensuite, que la terre se couvre de verdure, de plantes produisant de la semence, d'arbres fruitiers portant du fruit selon leurs espèces, et dans lesquelles se trouvent leurs semences, et il fut fait ainsi. Laissons maintenant parler la science par l'organe si autorisé de Cuvier. Le schiste cuivreux est porté sur un grès rouge à l'âge duquel appartiennent ces fameux amas de charbon, de terre ou de houille, ressources de l'âge précédent, et reste des premières richesses végétales qui aient orné la face du globe. Les traces des fougères, dont ils ont conservé les empreintes, nous disent assez combien ces antiques forêts différaient des nôtres. Ainsi Moïse et Cuvier sont d'accord sur ce point tout à fait capital de l'antériorité des végétaux sur les autres êtres vivants de la création. Mais Moïse, d'après le verset que nous venons de citer, ne s'en tient pas à cet énoncé général. Il entre dans des détails beaucoup plus circonstanciés, détails sur lesquels les traducteurs et commentateurs de la Bible me paraissent avoir glissé un peu légèrement. Il est vrai que le texte latin n'a pas reproduit exactement le texte hébraïque quant aux distinctions et aux nuances établies par l'historien sacré. Ainsi Moïse distingue trois ordres de végétaux, le gazon, les plantes fourragères et les arbres. Le mot de germaine, désigne en effet les plantes les plus simples du règne végétal. L'expression zeb, herbe, s'applique plutôt aux herbes, ce qui comprend tous les végétaux non ligneux. Enfin par et, arbor, on doit entendre les arbres, végétaux plus solides et plus compliqués que les plantes cellulaires et les herbes. La cosmogonie biblique procède donc du simple composé, de l'ébauche au plus parfait. Ici encore, la géologie donne pleinement raison à la Genèse. Voici, en effet, quel est, d'après elle, l'ordre de succession des végétaux fossiles, c'est-à-dire des végétaux contemporains de la création. On trouve, dans les couches les plus inférieures, des plantes complètement cellulaires, dont les traces sont parfaitement accusées, puis, l'organisation se complique, et apparaissent des herbes et même des arbustes. Enfin, dans le terrain carbonifère, la végétation devient tellement luxuriante, qu'on y rencontre jusqu'à 250 espèces de fougères, la plupart d'une taille gigantesque. Ne sont-ce pas bien là les 3 degrés d'organisation végétale indiqués par Moïse, le gazon, les plantes fourragères et les arbres? C'est à Moïse également que nous devons de savoir que Dieu créa le règne végétal à l'état de germe ou de semence. Ainsi, après avoir dit que tout végétal portait en soi la graine destinée à le reproduire, il ajoute dans le second chapitre de la Genèse, « Dieu créa toutes les plantes des champs avant qu'elles fussent sorties de la terre, et toutes les herbes de la campagne avant qu'elles eussent poussé. » Comment, maintenant, ces semences et ces germes sont-ils devenus des végétaux? Rappelons-nous ces paroles de Moïse, « L'Esprit de Dieu couvait les eaux. » Or, il n'est pas un naturaliste en soi peu au courant de la naissance du plus humble végétal qui ignore que ces formations ne s'accomplissent que dans un milieu humide et par le fait d'une véritable incubation. Il a donc suffi à Dieu de répandre des germes à l'infini pour peupler la terre et les eaux, depuis les sommets des plus hautes montagnes jusqu'aux plus grandes profondeurs des océans. Enfin Moïse, car il semblerait, par son insistance à revenir sur certains points, avoir voulu ôter tout prétexte à la controverse. Moïse déclare, à plusieurs reprises, que les végétaux, portant ainsi leurs graines, furent créés chacun selon leur espèce. Chacun selon leur espèce. Mais alors les espèces furent, dès l'origine des temps, marquées de leur cachet et de leur type, et, comme il n'en est pas une qui ne portât en soi sa propre semence, elles durent ensuite se reproduire intégralement. Prenons acte de ces déclarations et de ces faits. Nous aurons prochainement l'occasion de les justifier, à propos des prétendues transformations successives que Darwin attribue aux espèces vivantes. Les végétaux houillés, et la période carbonifère. Ce qu'on appelle végétaux houillés, objection relative à leur développement en l'absence du soleil, action suffisante de la chaleur et de la lumière, expérience, les cryptogames de la période carbonifère, leur taille gigantesque, leur teinte verte, austétère, apparition du soleil, une nouvelle flore, les dicotylédons, leur couleur brillante, amoindrissement des plantes primordiales, exubérance des espèces résineuses. Conséquence à déduire de la comparaison des deux flores. On donne le nom de végétaux houillés ou simplement de houille aux débris fossiles des forêts primitives accumulés au sein de la terre en amas prodigieux, lesquels débris sont devenus de nos jours une des principales sources de la prospérité des nations. Moïse n'en a rien dit, car leur existence constitue un fait géologique qui ne rentrait aucunement dans son cadre. Il rentre au contraire complètement dans le nôtre en ce qu'il va nous permettre de répondre à une objection qu'on a adressée au récit de la Genèse, à propos de la création du règne végétal, avant celle du soleil. Comment, a-t-on dit, les plantes ont-elles pu se développer en l'absence des rayons solaires? Moïse est ici en opposition avec les données les plus élémentaires de l'histoire naturelle. À cela M. Pfaff réplique avec autant de précision que de justesse, ce n'est pas du soleil que les plantes ont besoin, mais seulement de lumière et de chaleur. Or, la chaleur et la lumière existaient incontestablement avant le soleil, ainsi qu'il résulte de ce que nous avons dit de l'origine du globe. Bien plus, des expériences récentes ont démontré que la lumière électrique possède toutes les qualités nécessaires pour le développement des parties vertes de la plante. Représentez-vous une serre fortement chauffée dont les murs de verre auront été noircis de manière à intercepter les rayons solaires, et dont la principale lumière sera celle d'une flamme électrique brûlant à l'intérieur, quels seront, dans des conditions de ce genre, les produits de la végétation? Vous aurez des plantes colossales et des géants au teint verdâtre, mais nulle part de couleur vive. Telle a été la végétation de la période appelée période carbonifère. La classe qui presque à elle seule la constituait était celle des cryptogames vasculaires. Seulement, quelle différence comme dimension et comme ampleur avec leurs similaires d'aujourd'hui? Les prêles, ces herbes marécageuses appelées vulgairement queue de cheval, atteignaient la grosseur d'un corps d'homme, et une hauteur de 70 à 80 pieds, des mousses et des fougères offraient des proportions encore plus gigantesques. Enfin l'humble lycopode représentait un vrai colosse dont la cime dominait les plus hautes futaies. Mais tout ce monde végétal était d'une teinte uniformément verte, sans un fruit, sans une fleur, sans même une nuance un peu accusée. Il devait donc en être de la période carbonifère comme des forêts vierges de la Nouvelle-Zélande où dominent encore les fougères arborescentes et les majestueux araucarias. Dans l'intérieur de ces forêts, dit un voyageur célèbre, Hochstetter, tout est sombre et mort. Aucun papillon aux couleurs variées, aucun oiseau au doux ramage ne réjouit la vue et n'anime le paysage. Toute vie animale est éteinte. On sent le besoin d'aller respirer l'air du dehors et l'on éprouve un profond sentiment de joie lorsque, après avoir erré dans ces lieux silencieux et mornes, on jouit de nouveau en rase campagne de la lumière du soleil. La lumière du soleil, mais c'est précisément l'absence même de cette lumière qui donne raison à Moïse, en ce qu'elle explique la teinte verte de la flore primordiale. Enfin le soleil parut. À dater de ce moment les 10 cotylédons succédèrent aux cryptogames. Il en résulta un changement complet dans l'aspect de notre planète, en ce que les 10 cotylédons par la variété de leurs espèces, l'ampleur et la beauté de leurs feuilles, l'éclat de leurs fleurs et de leurs fruits, lui communiquèrent cette riante expansion de la vie qui en fait, aujourd'hui encore, le charme et l'ornement. Nous n'avons point de données positives sur la manière dont s'opéra cette substitution d'une flore à une autre. Il est probable cependant que voici comment les choses se passèrent. Le soleil, surprenant en quelque sorte les cryptogames dans toute l'exubérance de leur sève, dut en partie vaporiser celle-ci, ce qui amena de grandes perturbations dans leur vitalité et leur développement. En même temps, le sol, asséché de plus en plus par la même cause, cessa de leur fournir une abondance de sucs en rapport avec leur texture spongieuse. Enfin, l'atmosphère dépouillée, ainsi que nous le verrons bientôt, de son excès d'acide carbonique, cessa de même de les approvisionner dans la mesure de leur accroissement, d'où leur étiolement, leur mort et, comme dernier terme, leur transformation en houille. Note. Monsieur Tyndall, physicien anglais, a démontré par des expériences fort ingénieuses que la double influence de la chaleur et de la pression suffit pour transformer du bois en houille. Fin de la note. Comme conséquence inverse, un grand nombre de semences, parmi celles que le Créateur avait répandues avec tant de profusion dans l'espace, et qui jusqu'alors ne s'étaient pas trouvées dans des conditions voulues de germination, par suite de l'absence du soleil, prirent un tel essor qu'elles eurent bientôt recouvert la terre d'une végétation luxuriante. Ce furent surtout les pins et les sapins. Nouvelle preuve de l'assèchement du sol par les rayons solaires, puisque les espèces résineuses auxquelles ces arbres appartiennent sont précisément celles qui s'accommodent le mieux d'un terrain sablonneux et sec. Ainsi donc l'étude comparative des deux flores, dont l'une est passée à l'état de houille et dont l'autre s'est perpétuée jusqu'à nos jours, ne prouve pas seulement que le règne végétal fut créé avant le soleil, elle indique de plus, par les différences de leur caractère, et on pourrait dire de leur destinée, le moment où cet astre fit sentir son action sur notre planète. L'objection dirigée contre Moïse à propos de l'antériorité attribuée par lui à la lumière tourne donc contre ceux-là même qui s'en étaient fait une arme pour attaquer ses récits. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.